Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. X-Men Louis Louis au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale, nos trois matchs. Nous évoquerons également le hit parade de juillet 1962 et Buddy Holly, l'un des pionniers de l'épopée du rock'n'roll, sera l'invité du coin du spécialiste. Vous avez décidé de rester en notre compagnie ? Merci de votre choix. Sans fuite.

machine love whispers in my ear. Ow, ow, ow, ow. I love Sheila dear. Sheila said she loved me. She said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this big girl is fine. I wish I was Gérard, éclatez-vous sous la musique des années 60 sur Radio Gemozo. Le Tour de France a changé de visage, mais n'a pas changé de roi. Jacques Anquetil gagne son troisième Tour de France. Nous sommes en 1962. Sortie, entrée, le hit parade de juillet 1962 a également changé de visage avec Richard Anthony. J'irai pleurer sous la pluie, classé à la 46e place. Nous retrouvons la première nouveauté de ce hit parade de juillet 1962. J'attendrai l'orage et la pluie pour pleurer. Elle est née en 1932 à Epsom, là où se court le fameux derby anglais. Petula Clark, la plus française des chanteuses anglaises, débarque avec son chariot à la 40e place du hit parade de juillet 1962. Laisse-moi venir près de toi sur le grand chariot de bois et de toile. Nous nous en irons du côté d'où montera le jour dans les premiers reflets du ciel avant la chaleur du soleil. Sous la dernière étoile, la plaine n'aura plus de frontières. La terre sera notre domaine. Que j'aime ce vieux chariot qui tangue, qui tangue, qui tangue. Si tu veux de moi, dormir à ton côté. Sous la lune d'argent, l'hiver dans la neige et le vent, alors dis-le-moi, je pars avec toi. La plaine, la plaine n'aura plus de frontières. La terre sera notre domaine. Que j'aime ce vieux chariot. L'idole des jeunes cartonne en ce mois de juillet 62. Johnny Hallyday place 8 titres dans le hit parade, dont Serre la main d'un fou à la 27e place. Serre la main d'un grand fou qui a joué à l'amour. Serre la main d'un pauvre fou qui pensait que ce jeu avec toi dure toujours. Oui, serre la main d'un grand fou, le plus fou de la terre, pour avoir cru à tes mots si doux, à qui me ronge le corps et ouvre les portes de l'enfer. Oui, quel fou d'avoir cru les mensonges que tu disais. Mais comment aurais-je pu à penser qu'un beau jour tu te moquerais de moi et me quitterais. Oui, serre la main d'un grand fou, le plus fou de la terre, pour avoir cru à tes mots si doux qui me ronge le corps et m'ouvre les portes de l'enfer. Ah oui. J'étais si fier de t'appeler mienne, Alors que toi, pendant ce temps, tu brisais à coups de haine mon cœur et ma vie, me réservant le plus vil châtiment. Oui, serre la main d'un grand fou, le plus grand de toute la terre, pour avoir cru tes mots si doux, qui me rongent le corps et m'ouvre les portes de l'enfer. Oui, serre la main. ...1962. Jean Bruce se prend pour OSS 117. Sean Connery se prend pour James Bond. L'agent 007 Ursula Andress fait partie des avantages en nature. Vadim offre à Robert Hossein Brigitte Bardot dans Le Repos du Guerrier. Pas de répit pour le général de Gaulle qui échappe à un attentat au Petit Clamart. Vajda, Truffaut, Ophuls témoignent sur L'amour à 20 ans. Les premiers conseillers américains arrivent au Vietnam. Et le plus célèbre des transsexuels français, Coccinelle, se marie. Dans la jungle, Henri Salvador fait le rigolo. Le succès de la musique soul fait réfléchir Sam Cooke. Tous les hommes et le tamouret, importé de Tahiti, fait des adeptes. L'homme araignée Spider-Man fait son apparition aux USA. Et André Malraux décide de faire briquer, blanchir, nettoyer, ravaler toutes les façades d'immeubles. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, no, no, no, no, no, no. Don't play that song for me. It brings back memories of days that I once knew, the days that I've spent with you. Oh no, don't let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away. I remember just what it said. It said, you'd act so mean, but baby, you know, you told me you love me, you told me you care, you said I'll go with you, darling, almost anywhere, but baby, you know that. Les Z-Song et Benny King, 21e du hit parade de juillet 1962. On remonte jusqu'à la 11e place et c'est Ray Charles, Bye Bye Love, que l'on retrouve. Bye

21 mai 1967, les bases françaises du Sahara sont évacuées. Le pape Paul VI déclare à Fatima au Portugal « Le monde est en danger », ce qui n'empêche pas 700 000 personnes d'accueillir Sir Chichester qui termine son tour du monde en solitaire à Plymouth. Sur les ondes des radios, le sol pleureur, le nouveau titre de Michel Polnareff, fait fureur. Viens de beau d'un grand amour. Nancy Holloway, elle t'aime. Opposée pour ce deuxième match au She Love You des Beatles, la version originale. She loves you, yeah. Think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loved you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. She says she knows you're not the hurting kind. She says she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. Apologize to her, because she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Adaptation ou version originale, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Brenda Lee et Eddie Cochran, Weekend, le plein de nostalgie sur Radio Game Ozo. Off we went to make a big pin on the weekend. Boy, it's great just staying out late on the weekend. Know a spot and like it a lot on the weekend. Took the road to Lookout Hill. The view up there is sure a thrill. What a night to hold you tight on the weekend. Yeah, we were just sitting cool and cozy, just about to steal a little kiss. The police with a flashlight bright and nosy said, "Holy mackerel now, what is all this?" Car top down, just riding around on the weekend. Took a chance on crashing a dance on the weekend. We're almost inside the place. Somebody slammed the door in my face. Hey, you guys, you gotta wear ties on the weekend. No harm done, just having some fun on the weekend. That was all we had, a big ball on the weekend. Radio Gemozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. The sun comes up and brings the dawn as usual. When I awake, I find you gone, as usual. But I can't find the way to let this crazy heart of mine forget. I pretend you're still beside me as usual. Each evening I take a walk as usual. I make believe that we still talk as usual. People always stop and stay. I guess they just don't see you there. Don't they know you'll always be right here as usual? Today I looked into my mirror as usual. I told myself that you're still here as usual. And as I stood there telling lies, the tears began. Cause I know I'm only fooling myself as usual. Brenda Lee as usual. Claude François en 1967 comme d'habitude. Titre repris par de nombreuses vedettes internationales et qui sera par la suite un tube planétaire. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi. Comme d'habitude, tu me tournes le dos. Comme d'habitude, et puis je m'habille très vite. Je sors de la chambre. Comme d'habitude, tout seul. Je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors. Comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer. Je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Comme d'habitude, mais comme d'habitude, même la nuit. Bien annoncé le twist, ils ont été nombreux à interpréter cette reprise du Let's Twist Again, la version des Chats Sauvages qui n'a pas figuré dans les hit-parades de l'époque. Allez, savoir pourquoi, à son charme et mérite qu'on en l'écoute. Come on baby and let's twist again. Une main le temps, donne-moi la main là. Ouais, tu t'y prends bien, continue comme ça. Oh, autour de moi, balance encore tes doigts. Ouais, bien sur mon cœur, périme le temps. Oh, tourne pas, tourne bien, encore pas et bien. Ta maison dansant, n'oublie pas, n'oublie pas. Oh, yeah, que je suis là, tout en rimant le temps. Ouais, entre tes bras, mon cœur bat pour toi. Dans quelques minutes, Buddy Holly sera l'invité du coin du spécialiste. Nous évoquerons sa carrière et sa fin tragique. Mais juste avant, il y aura Evie, la roqueuse aguicheuse, la jolie petite frimousse, qui sera début 1964 au hit parade de Salut les copains avec chaque fois. Oui, tu te doutes de moi, chérie, tu es fou d'être jaloux. Chaque fois que je parle d'un garçon, chaque fois tu veux des explications. Chérie, tu es fou d'être jaloux. Chaque fois, on te montre du doigt. Chaque fois, on se moque de toi. Chérie, tu es fou d'être jaloux. Thank you. années 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gemozo. Charles Ardinolet, plus connu sous le nom de Buddy Holly, est né le 7 septembre 1936 dans l'État du Texas. Comme tous les jeunes de l'époque, Buddy Holly a une idole. Cette idole, c'est Elvis Presley. En octobre 1955, il est remarqué par Dick Grandal qui lui fait prendre contact à Nashville avec Jim Denny de chez Decca. Le 16 avril 1956, Decca sort le premier 45 tours de Buddy Holly. Début 1956, Buddy Holly et les Tritons, devenus entre-temps Buddy Holly et les Crickets, entendent parler d'un studio à Clovis, Nouveau-Mexique, dont le propriétaire Norman Prairie, ingénieur du son, est aussi le patron d'une maison d'édition musicale. Norman Prairie va devenir l'impresario de Buddy Holly. À partir de ce moment, avec les Crickets puis en solo, la carrière de Buddy Holly va aller crescendo. On peut dire sans se tromper que Buddy Holly a été l'un des principaux inspirateurs des chanteurs et groupes de pop musique comme Bob Dylan, Keith Richards, Eric Clapton et plus encore de quatre garçons de Liverpool, les Beatles. La carrière prometteuse de Buddy Holly se termine tragiquement le jour où Buddy Holly, en compagnie de Ritchie Valens et Big Bopper, prend l'avion, lequel va s'écraser près de Fargo dans le nord Dakota. Ce jour-là, le 3 février 1959, à 1h15 du matin, Buddy Holly rentre à jamais dans la légende du rock'n'roll. Love can make you feel so good when it goes like you think it should. Or it can make you cry at night when your baby don't treat you right, when you're feeling sad and blue. You know love's made a fool of you. Love makes fools of men, but you don't care, you're gonna try again. Time goes by, it's a passing fast. You think your love has come at last, but by and by you're gonna find crazy love has made you blind. When you're feeling sad and blue, you know love's made a fool of you. Love can make you feel so good when it goes like you think it should. Or it can make you cry at night when your baby don't treat you right, when you're feeling sad and blue. You know love's made a fool of you. Thank you. her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. What your daddy is a brown-eyed handsome man. Well, the Marlowe Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost for the arms in her wrist and her with a brown-eyed handsome man. She thought for herself a brown-eyed handsome man. Well, the two, three, the count, and nobody only hit a high line into this land. Around 30 was a hip of a home. It was a brown-eyed handsome man. It was a brown-eyed handsome man. Avec Gérard, c'est rockement bon. I wonder, does she know?

love you, gal. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Sur Radio Guémozo, le temps des yéyés, le meilleur des 60s. Memphis, à l'instant, c'était ceux que l'on surnommait les Shadows américains, c'était les Ventures. Adaptation contre version originale, de suite notre troisième match sur Radio Guémozo. Blue Jean Baby, je t'appelle comme ça. Blue Jean Baby. Plus belle, c'est toi. Je t'ai donné ce nom, c'est tout pour moi. En souvenir de cette nuit-là où tout mon destin s'est tourné vers toi, lorsque je t'ai vu, tout s'est transformé. Depuis mon cœur n'a pas rêvé, pas rêvé. Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, on se mariera en Blue Jean. En cherchant à leur falloir tous les moyens. Bah ouais, ton cœur, mais lui ne craint rien. Ouais. Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, on se mariera en bleu. Blue Jean. Blue. baby, coochie pop, coochie. Oh, baby, coochie pop. Oh, it's the hero, oh, coochie. Eddie Mitchell, Blue Jim Bap. Une fois de plus, c'est dans le répertoire de John Vincent qu'Eddie Mitchell a puisé son inspiration. Troisième et dernier match, troisième et dernier choix pour vous sur Radio Gomozo avec la version originale. Blue Jim baby, with your big blue eyes. Don't want you looking at other guys. Got to make you give me one more chance. I can't keep still, so baby, let's dance. Well, the blue jean bop is the bop for me. Well, it's a bop, it's a dungaree, dungaree. You dip your hip, free your knee. Squeal on your heel, baby, one, two, three. Well, the blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop. Baby, won't you bop with jean? Bop, yeah, bop! Bop with you. Well, my heart starts a hopping like a kangaroo. My feet do things I never done before. Well, blue jean, baby, give me more, more, more. Well, blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop, baby, won't you bop with jean? Rock it again, blue cat, go! Blue jean bop, baby, blue jean bop. Baby, won't you bop a jean? Blue cap, bop a jean now, let's go! But this blue jean, a blue jean bop. A blue jean bob, baby. A blue jean, a blue jean bob. A blue jean, a blue jean bob. A blue jean, a baby, won't you bob a jean? Eddie Mitchell ou Jane Vincent, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Si Jane Vincent fait partie des pionniers du rock'n'roll, elle fut avec Brenda Lee l'une des premières femmes en Amérique à chanter du rock'n'roll. Wanda Jackson sur Radio Gimose, on est bop. They call the bunny hop. Now the cats are in a trance. All they wanna do is bop. A bunny bop. A bunny bop. A bunny bop. A bunny bop. A bunny bop. Well, don't stop. A bunny bop. When the band begins to rock and it's rocking to your blues, if you think you blow your top, well, put on your rocking shoes and bop. A bunny bop. A bunny bop. A bunny bop. Oh, let's bop. A honey bop, a honey bop. When the night is up and gone, but you still wanna go, though you see the light of dawn, baby, tell the band to blow. Well, the waltz is for a square and the rumba is too old. Baby, we're just rockin', let it satisfy us. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 1960. Le France est mise à l'eau. Le radeau d'Exodus est filmé par Otto Preminger. Et les Russes capturent Gary Powers, le pilote d'un avion de reconnaissance américain U-2. L'équipe du professeur Choron sort le premier numéro de Harakiri. L'URSS est condamnée à l'ONU pour avoir espionné l'ambassade des États-Unis à Moscou. Jean-Luc Godard met en scène Jean-Paul Belmondo et Gene Seberg dans À bout de souffle. Spoutnik influence la pub. Bien entendu, la vraie pointe Bic. Noyé de bleu sous le ciel grec. Visconti statue fille de Londres, Rocco et ses frères. Aux Jeux Olympiques de Scovalet, Jean Vuarnet gagne la descente et la médaille d'or. Marilyn séduit le milliardaire Yves Montand. Le petit Éric Peugeot est kidnappé. Puis relâché. John Wayne défend Fort Alamo. Pierre Balmain, Guy Laroche et Pierre Cardin deviennent les cocus du tout Paris. Et Eddie Mitchell et les chaussettes noires explosent. J'ai vécu longtemps, le cœur bien au chaud dans le foyer de mes parents. J'avais droit à ma perceuse chaque soir en m'endormant. Mais je devins grand et ce fut le temps de la maternelle et des premiers embêtements. Mon cartable dans le dos, j'entre dans l'école en pleurant. Les anciens me montraient du doigt, tous les autres se moquaient de moi. J'étais seul et je sentais bien qu'il me faudrait serrer les deux poings. À peine éveillé dans mon doux coton, j'entrais dans la vie quand je sortais de mon cocon. Mais je n'avais pas les ailes des grands papillons. Tête turque, moi je l'étais dès ma naissance. Tête turque, j'ai peut-être la tête à ça. Tête turque, mais moi quand j'aurai ma revanche. Tête turque, je n'aurai plus ma tête à moi.

caballero, ahí acaba de entrar Guaduzzi, ese mulato que mide 7 pies y que pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, ya llegó Guaduzzi, el hombre más guapo de La Habana. Guaduzzi, Guaduzzi. ¿Qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. ¿A mí? ¿Tú me tienes miedo? No me digas que si te tienes miedo, porque yo no soy de los que creen a cualquiera. Más grande que yo, no hay ninguno. Vamos bajando. Sigan y sigan bailando, bailando. Sigan el Guaduzzi. Sigan y sigan bailando, bailando. Sigan el Guaduzzi. Sigan y sigan bailando, bailando. Sigan el Guaduzzi. Sigan y sigan bailando, bailando. Sigan el Guaduzzi. Para bailar el Guaduzzi. Sigan y sigan bailando, bailando. Sigan el Guaduzzi. Caballero, sigan. ¿Le tiene miedo a Guaduzzi? Ja, ja, ja. 7 pies, grande y feo. A correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guaduzzi, muchacho. El que no huye, corre. No, no, no. Cuando el Guaduzzi llega y dice, yo soy el guapo, usted enseguida saca una estaca y dice, bueno, oye, ¿qué es lo que pasa? Y enseguida el Guaduzzi se aplaca y se va para allá, porque el Guaduzzi todo es bla, bla, bla, bla, bla. Así que a mí no me cuela ese cuento.